Donc le débat est ouvert et toutes les questions sont possibles, bien entendu, sur ce rapport. Je vous en prie, monsieur. Je m'adresse en particulier à Élie à propos de la critique du CDHESS. Vous avez dit que les étudiants, enfin qu'il y avait des postulats en fait qui étaient faux, c'était enfin tronqué, vous avez dit, notamment que les étudiants attendent de trouver un emploi, qu'il n'y avait pas de stats là-dessus. Alors je vous invite à venir dans les universités parce qu'il n'y a peut-être pas de stats, mais il y a des étudiants. Et moi, pour avoir débrayé des cours et discuté avec, enfin vu la tête des étudiants et vu leur réaction quand on interrompait leurs cours parce qu'ils allaient rentrer dans le marché du travail 3 mois après. Enfin, voilà quoi. Ça montre bien que ces étudiants-là, en tout cas, ils étaient là pour trouver du travail, quoi. Et quand on venait leur parler, leur discours, c'était stop. Nous, voilà, on part en entreprise dans 3 mois. Cassez-vous. On veut pouvoir être performant sur le marché du travail, quoi. Vous pouvez venir discuter aussi avec les étudiants. Enfin, il y en a pas mal qui sont très très inquiets, justement, de la possibilité de trouver du travail et qui ont un rapport à l'université spécifique par rapport à leur inquiétude de trouver du travail, quoi. Donc, ils attendent de trouver un emploi. Moi, je vous assure qu'en université, je suis à Paris 8. Voilà, ils attendent de trouver un emploi. Et je trouve aussi que faire une critique de ce rapport en se basant là-dessus, c'est pas une bonne chose, quoi. Enfin, je pense que la critique, elle devrait plutôt se faire au nom de l'indépendance de l'université vis-à-vis des pouvoirs en place, quoi. Voilà, ça c'est un point de vue aussi, quoi. Donc une critique de l'idéologie gestionnaire et enfin voilà, à mon avis, il y a pas de compte, on ne doit pas avoir de compte à rendre à ce genre d'idéologie. Et c'est plutôt là-dessus qu'il faudrait se baser, à mon sens, et remettre en question sans doute la GCS et ce genre de choses qui se fait pas du tout, quoi. Si on veut aller un peu plus loin que ce qui s'est passé ces mois précédents là, à propos de la LRU, je pense que, enfin voilà, faut prendre cette direction-là, quoi. Voilà. Merci. On pourrait peut-être regrouper quelques questions qui portent sur les problèmes de formation, de débouchés, sur la première partie du rapport, disons, si vous le voulez bien. D'autres questions sur ces points ? Non ? Gilles Verprete ? Une petite remarque. Quand il y avait les DESS et les doctorats, le clivage était clair entre ceux qui voulaient professionnaliser leur culture générale ou disciplinaire au sens large vers des secteurs professionnels et ceux qui se dirigèrent vers la thèse avec les conséquences en termes de carrière. Il y avait une prise de risque sur 1 an, 2 ans, 3 ans. L'idée de master a dissous les DESS, les a incorporés et maintenant on dissout le doctorat. Donc le flou, il vient un peu de la réforme des masters. J'ai une autre question à monsieur Lottmann. Dans la version du rapport de force universitaire CNRS, vous avez cité Balladur, 93... Il y a d'autres paramètres à mettre en compte. La montée de la CPU, c'est aussi la régionalisation qui donne plus de poids. L'Europe, il y a des structures de prise d'université européenne. Et pour revenir à ma discipline, il y a une inversion du rapport de force dans les effectifs. Début années 80, puisque vous connaissez cette partie-là, c'était 300 chercheurs CNRS, tout confondu, et 300 universitaires. Avec le plan de recrutement Jospin de différentes périodes, il y en a eu deux, c'est 600 universitaires et 280 sociologues. Donc, on peut ramer, mais le rapport de force est là. Donc, la question organisationnelle qui se pose, c'est une double structuration dont on peut juger qu'elle est forte ou faible universitaire, ou arrogante ou vide au CNRS, mais il y a deux structurations. Alors, ce problème, il faut y répondre. Mais est-ce qu'il faut répondre en termes macro-gestionnaire, discours managérial, ou en termes de formes multiples de coopération? Mais c'est pour décaler un peu le débat, quoi. Encore une ou deux questions avant de repasser la parole à la table. Question ou observation, bien sûr, hein. Opinion. Merci. Je suis Étienne Boisserie, je suis le président de Sauvons l'Université, donc je ne vais pas rebondir sur ce qu'a pu dire Élie. Je voulais juste signaler peut-être quelques éléments qui n'ont pas été abordés et qui me semblent importants, qui peuvent vous rebondir d'ailleurs sur des choses qui ont été dites, en particulier par M. Lottmann, sur la tonalité générale du rapport. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, je suis enseignant-chercheur, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la totale méconnaissance apparente et la totale absence de prise en compte de la réalité du métier d'enseignant-chercheur. C'est-à-dire qu'on a le sentiment d'un rapport un peu hors sol, et vous avez mentionné ce passage qui est effectivement édifiant, je ne me rappelle plus la page, mais vous l'avez indiqué très justement, avec cette multiplication des tâches de l'enseignant, d'ailleurs certaines ont disparu, bizarrement dans la parenthèse, cette multiplication des tâches qui n'est jamais, et j'en reviens à cette histoire d'Orsol, qui n'est jamais mise en perspective avec la réalité de ce que sont les nouvelles procédures d'évaluation qui en réalité ne permettent pas la valorisation de certaines au fur et à mesure de l'évolution de la carrière, de la prise en compte de certaines, disons de certains travaux plus que d'autres, mais les nouvelles procédures d'évaluation ont pour effet de sanctionner les manquements dans l'une de ces différentes tâches. C'est-à-dire que le rapport fait comme si ça n'existait pas, mais la réalité est que l'enseignant-chercheur est désormais évalué avec des sanctions possibles sur l'ensemble des charges statutaires qui résultent du statut d'avril 2009. Il est tout à fait surprenant, enfin c'est pas surprenant, je connais Marie-Claude Morel sans doute pas aussi bien que vous, mais je sais qu'à Prague elle a beaucoup de temps à la direction du CEFRES, puisque je travaille sur la République tchèque et la Slovaquie, donc l'activité de Marie-Claude Morel à Prague ne m'est pas inconnue. Hein. Et je suis tout à fait frappé de voir à quel point il n'est à aucun moment fait état de la réalité de ça. De même qu'à aucun moment on ne parle de la réalité de la situation budgétaire ou de la situation du taux d'encadrement, effectivement, qui n'est jamais évoqué pour ce qu'elle est. Et puis, dernier point, là je poste un peu hors rapport, mais pour rebondir sur ce que vous avez évoqué au sujet de l'interdiction de recrutement local. Pour que cette interdiction puisse exister, il faudrait qu'on sorte d'une logique immensément perverse du processus actuel, qui n'est pas seulement le processus de la LRU, c'est le processus qui consiste à dire que l'université est une entreprise comme une autre, et qu'à ce titre, le président d'université est libre de choisir ses collaborateurs. Or, comme on est dans cette logique-là, il est tout à fait évident que le localisme ne peut pas être dissous. Donc il faut probablement... Si, parce que ça introduit, disons, un élément de concurrence faussée, on va dire. Hein, on va le dire comme ça. Ça introduit de la concurrence faussée, puisque vous ne pouvez pas être... Bon, peu importe, en tout cas, la logique assumée de la LRU est que l'université est une entreprise comme les autres, comme l'homme est une marchandise comme les autres, finalement. Et à ce titre-là, on peut très bien recruter en local, avec les effets pervers que vous soulignez, qui sont très justes. Et donc, en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est cumulé, en cumulant ces différents éléments que vous avez évoqués, c'est que non seulement ce rapport, je ne reviens pas sur ce qui a été dit par Barthélémy et par Haddad, mais le rapport manifestement, en dépit de l'éminence de ses signataires, ne tient aucun compte de la réalité de la situation dans les universités, et il ne tient pas plus compte de la réalité, disons, de la structuration intellectuelle de ceux qui produisent les textes. Et donc, en fait, on est sur quelque chose qui est totalement, planant, en réalité, par rapport à ce qui se passe, qui est simplement dans une politique d'accompagnement et de validation de choix préexistants. Et c'est bien dommage, et on peut en finir comme ça, et c'est bien dommage qu'un certain nombre de collègues éminents commettent ainsi ce que d'autres... C'est Lindsay Waters, je crois, qui parle d'infanticide. Hein. Il y a eu le parricide, et puis il y a l'infanticide. Alors, on a un certain nombre de collègues éminents qui ont fait des belles carrières et qui, sur la fin de leur carrière, ont décidé de fracasser le système qui les ont fait vivre. Et c'est un peu gênant. Peut-être que la conclusion est exagérée, mais voilà, je laisse le micro. Une intervention encore, et puis je repasse la parole aux orateurs. Fanny Cossandé, oui. J'ai juste une question sur la composition des auteurs. Qui sont les auteurs de ce rapport? Combien ils sont et quel est leur profil en gros, quoi. Je vais solliciter une intervention de notre jeune collègue des sciences politiques, puisque dans le texte qu'ils ont élaboré, il y a un point spécifiquement consacré à ta question, Fanny. Je veux aussi dire que Sophie Pochic a commencé à faire un travail prosopographique sur l'ensemble de ce conseil. Bon, elle n'a pas tout à fait eu le temps de le terminer, et je ne voudrais pas déflorer ses premières conclusions en les simplifiant trop. Mais je pense que dans le séminaire... Bon, on va essayer de répondre à ta question, Fanny, mais dans le séminaire, on va revenir dans une séance complète, je pense, au mois de mai, sur qui sont les identités sociales et professionnelles de nos réformateurs, de nos modernisateurs, parce qu'il y a des récurrences absolument troublantes, extrêmement intéressantes, avec un mystère qui est comment se fait-il que des collègues qui n'épousent pas nécessairement la totalité des points de vue du gouvernement finissent par se retrouver dans la situation dans laquelle ils se sont mis, parce qu'ils l'ont bien voulu, mais ils s'étonnent ensuite ensuite qu'on les critique. J'ai fait allusion, bien sûr, à Philippe Descola, que j'estime par ailleurs infiniment, mais voilà, il s'est retrouvé là. Pourquoi ? Comment c'est possible des choses pareilles ? Pourquoi est-ce qu'ils sont si nombreux à faire tant de sottises, alors que ce n'est pas nécessairement des méchants ? Voulez-vous intervenir sur l'identité des... et puis sur d'autres sujets ? François, je parle pour l'Association nationale des candidats au métier de la science politique. Lorsque la composition du conseil a été publiée, l'association est allée voir la composition du conseil précédent, qui était le conseil dirigé par Alain Supiot, si ma mémoire est bonne. Et nous avons comparé la composition des deux conseils. La parité est très particulière dans ce style de conseil. C'est un peu le même exercice que le premier exposé qu'on a fait, c'est-à-dire on a fait un exercice de forme. On a essayé de voir qui est-ce qu'on mettait dans ce style de conseil. On met surtout des hommes assez âgés, de région parisienne, dont la plupart d'ailleurs n'enseignent pas à l'université. Je pense que c'est suffisamment résumé pour la séance d'aujourd'hui, et le détail est sur le site ancmsp.com. Il y a un article dans la rubrique Enseignement supérieur et recherche où on a donné les chiffres précis. Le seul changement substantiel entre le conseil de 1999, le conseil Supiot, et celui-ci, c'est que les personnalités extérieures dans celui-ci viennent du monde privé, plus exactement du secteur privé, du yaourt et du consulting, puisqu'il y a le PDG de Danone et de PricewaterhouseCoopers. Ce n'était pas le cas sous le conseil précédent, qui était des personnalités extérieures issues du secteur public. Si je me souviens bien, il y avait quelqu'un de Radio France, quelque chose comme ça. Voilà, ces deux conseils qui se ressemblent assez au niveau de la composition majoritaire. Mais il faut signaler quand même que la plupart des personnes dans ce conseil n'enseignent pas à la fac. Oui. Ça explique peut-être en partie le fait que le rapport soit un peu déconnecté du champ de la réalité pratique. Une touche supplémentaire donc, que j'emprunte à la première approche de Sophie, la majorité aussi a eu pour formation, non pas l'université, mais des grandes écoles, si on compte l'ENS comme l'une d'entre elles. C'est évidemment important. Voilà, peut-être je repasse la parole au... Je commence ? Oui, voilà. Oui, alors pour répondre, j'ai été trop vite, donc je me suis mal exprimé. Et évidemment, je ne crois pas que les étudiants font des études sans se préoccuper de l'emploi qu'ils auront ou d'en trouver un. Ce qui m'intéressait, ce n'était pas ça, c'était l'articulation qui est faite dans le rapport entre la question de l'enseignement, du type d'enseignement qui est donné, et la notion d'employabilité. Et la façon dont cette notion d'employabilité recouvre en fait deux choses qui sont différentes, ou du moins qui méritent une enquête avant d'être postulée comme équivalente, qui sont les attentes d'un certain nombre de compétences de la part des entreprises et les objectifs professionnels des étudiants. C'est ce raccourci-là qui m'intéresse et la façon dont le terme d'employabilité vient en fait unifier cette chose-là. Et comment ensuite c'est réinvesti pour justifier une réforme de la façon dont on doit enseigner en L. Voilà, je ne sais pas si c'est plus clair, mais c'est vraiment ce point-là. Oui, pour faire écho, merci, à quelques points qui ont été soulevés, je ne pense pas que le changement des rapports d'effectifs entre chercheurs CNRS et enseignant, enfin maître de conférence de l'université dans une discipline donnée, soit un problème, enfin soit une caractéristique fondamentale. Non, en revanche, je pense qu'il y a une vraie question. C'est est-il possible de faire travailler tous les enseignants chercheurs dans des laboratoires dignes de ce nom, avec un directeur capable de diriger le laboratoire et un chef d'équipe capable de conduire leur équipe? Ça, j'en suis pas convaincu. Et alors, la question est-ce qu'on peut admettre qu'il y ait des maîtres de conférences en situation d'abandon scientifique qui sont chargés d'enseigner au premier cycle dans des universités de deuxième ordre? Parce qu'il faut bien admettre qu'il y a des universités de deuxième ordre Et il peut y avoir dans des universités de deuxième ordre des disciplines se portant bien avec de bons laboratoires, mais il n'y aura certainement pas un bon laboratoire dans chaque discipline dans l'université de la ville N3 étoiles, exclusion faite des 8 ou 9 grandes villes dans lesquelles il y a des universités de premier rang. C'est un vrai problème. Et Christian m'a coupé ma conclusion tout à l'heure, alors en deux mots, je l'ai dit. Moi, si j'étais Madame Pécresse, je serais très déçu par ce rapport. Je dirais qu'il apporte vraiment pas grand-chose, à part cette idée d'alliance pour ajouter un étage fuligineux et fantasmagorique de plus à l'architecture. Ça, j'ai pas besoin d'eux pour dire ça. Et je remarque que la lettre de mission donnait comme première demande à ce conseil de s'occuper des enjeux scientifiques, ce qu'ils n'ont absolument pas fait. Et le rapport dit, ah oui, mais pour les enjeux scientifiques, on attend les réactions de la communauté que vous allez nous envoyer dans les prochaines semaines. Enfin, bonne blague. Ça veut dire qu'ils se sont... ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment travaillé et qu'ils n'ont pas grand-chose à dire sur les enjeux scientifiques. Et alors, moi, je reprends ce qu'a dit ce charmant jeune homme, j'avais prévu d'en parler, sur le rapport Supiot, la commission Supiot, qui avait été créée par qui ? Par Allègre. Et Allègre, il n'adorait pas le CNRS, vous savez. Allègre, bon, allez, alors, le avait fait aussi une commission qui a fait un rapport. Supiot l'a publié, il a eu bien raison, mais ce n'est pas non plus un texte aggravé dans le marbre. Hein. C'est un peu moins grotesque que le rapport Morel, mais ce n'est pas tellement bien meilleur. Et moi, bon, pourquoi il y a ces rapports ? Alors là, je suis très bref. Parce que les ministres, ils ne savent jamais très bien quoi faire avec SHS. Ou plutôt. Et alors, il y a des ministres sages qui décident de ne rien faire pour SHS, ni pour, ni contre, de traiter seulement les problèmes qui rongent à chaud. Moi, j'ai eu cette chance avec M. Curien, ministre. Alors, cette chance et cette malchance, parce que j'ai jamais réussi à lui parler au fond d'orientation SHS. Et c'est pour ça que j'avais écrit dans le débat un article pour dire j'aimerais bien qu'il y ait construction d'une autorité scientifique institutionnellement plus reconnue pour SHS, pour parler avec le ministre. En revanche, M. Curien me téléphonait ou me faisait venir pour traiter de micro-problèmes qui étaient en général un député de la majorité socialiste qui n'était pas content de quelque chose ou un président d'université de quelque couleur que ce soit, suffisamment notable régional pour avoir accès au ministre et dire quand même ça va pas. Bon. Voilà. Donc moi, si j'étais Madame Pécresse, je serais très déçu par ce rapport et je dirais, vous voyez, j'ai réuni les meilleurs esprits. Il y a 5 professeurs du Collège de France dans cette commission et voilà tout ce qu'ils ont été capables de me donner. SHS, vogue la galère. Très bien. Vous aviez un mot à dire là-dessus, je vous en prie. Pour rebondir sur le dernier propos, le rapport Aguillon, je ne sais pas si on le prononce comme ça, Aguillon. Qui est sorti récemment, a beaucoup plus attiré l'attention dans les milieux décisionnaires que je connais, en tout cas. J'attire tout de même votre attention que dans ce rapport d'étape, il y a la question posée, faut-il autoriser les doctorats sans financement ? Et qu'aucune réponse claire n'est donnée. Donc ça pourra être non. Il ne faut pas autoriser les doctorats sans financement. C'est fondamentalement ma position. Ça peut avoir des effets à court, moyen et long terme sur les sciences dont on parle aujourd'hui. Je ne me prononce pas parce que j'ai pas de mandat pour en parler, mais je pense que ça fait quand même partie des choses qui risquent de se retrouver dans le rapport définitif du Conseil et qui peuvent avoir un effet assez substantiel. Vaste problème. Il nous reste 4 minutes. J'aimerais en profiter pour poser moi-même une question. Jacques Lotman disait tout à l'heure, ce qui était assez étonnant, c'est la haine pour le CNRS que l'on observe dans la haute fonction publique. La haine pour, la haine contre, dans la haute fonction publique depuis des décennies. Et je voudrais lui demander pourquoi. J'ai avancé une hypothèse. Le CNRS, on le déteste dans la haute fonction publique, à mon avis, parce que le CNRS, on ne le fait pas obéir très facilement. Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas obéir très facilement le CNRS ? Ce n'est pas à cause de sa direction, parce que les directions du CNRS, elles peuvent être plus ou moins dignes, mais elles ont aussi une tendance à argumenter pour leur institution en disant « nous sommes utiles ». Et le CNRS n'obéit pas, c'est parce que c'est d'abord un réseau de chercheurs, d'UMR, et c'est aussi le comité national. Et ça, ils veulent le casser. Et ce qu'ils veulent casser, c'est à la fois le réseau d'UMR, c'est-à-dire l'entité CNRS en tant que fédération d'hommes et de femmes libres qui recherchent ensemble, d'une part, et d'autre part, une institution, le comité national, qui garde la tête haute et qui l'a quand même pas mal montré dans ces derniers temps. Est-ce que cette hypothèse te paraît plausible ? Tout à fait. Peut-être d'autres raisons encore. Non, j'avoue que je ne comprends pas très bien comment cette hargne anti-CNRS est devenue culturellement aussi répandue. Et quand même, je dois dire que le jour où j'avais entendu les propos que j'ai fait écho dans l'entourage de Rocard, j'ai été assez frappé. Ce jour-là, mais c'était un peu tard pour moi, je me suis dit, au CNRS, dans la direction du CNRS, on est assez convaincu qu'on est bon, que ce qu'on fait est bien, et on ne s'occupe pas assez de notre communication externe. Et alors, effectivement, le premier directeur général qui se soit occupé de la communication externe, c'est Philippe Gorilski, qui a été directeur général entre 1988 et 1994. Mais c'était déjà tard, je dirais. Pourquoi cette... Il y a aussi, c'est un point annexe, quand même, la jalousie, mais il y a aussi la tendance de certains, y compris de certains ministres, à utiliser le CNRS comme ambulance secours pour les gens recommandés dont on ne sait pas quoi faire. Mais ça me permettrait de dire que M. Vincent Peillon, un jour, ayant été battu à je ne sais plus quelle élection et se retrouvant sans paye, a été pris en charge par le CNRS avec un contrat de 2 ans. Il est agrégé de philosophie, c'est un fait. Je crois que nous sommes contraints par courtoisie pour nos successeurs de Saint-Amphithéâtre d'interrompre notre débat. Et comme je vous l'ai dit au tout début, je souhaite et nous souhaitons vivement qu'ils reprennent avec, à nos côtés et peut-être en face de nous, les auteurs ou une partie des auteurs de ce rapport. Merci à ceux qui, en tout cas, ont ce soir animé cette discussion.